Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La Grèce est très endettée et ça va très mal. SFR est très endettée et ça va très bien. Enfin, ça allait très bien. Avant que l'action ne dévisse, car l'action d'Altis baisse chaque jour. Altis, c'est ainsi que l'on appelle SFR. SFR est notre super fail de la semaine. Et tout d'abord, voici comment tout cela a débuté. La voix du patron d'Altis, Patrick Drahi. Quand j'ai créé ma boîte, j'avais 28 ans. Et très rapidement, j'ai commencé à déployer des services de réseau câblé dans le sud de la France. Donc la deuxième société que j'ai créée, c'était Sudcap Service, en 1994, je crois. SARL au capital de 50 000 francs français, que je n'avais pas, que j'avais emprunté. C'était un prêt étudiant. Donc vous voyez, à l'époque, j'étais criblé de dettes, puisque j'avais 50 000 francs de capital qui était intégralement emprunté. La situation s'est nettement améliorée, puisqu'aujourd'hui, vous avez expliqué que j'avais 32 milliards de capital pour 33 milliards de dettes. Vous voyez, c'est 50-50. C'est quand même remarquable comme amélioration au niveau financier. Formidable réussite, Altis, formidable réussite. Au départ, Stéphane Loher, vous êtes journaliste au Monde. Comment a-t-il réussi, Patrick Drahi, à partir de rien, donc, à construire cet empire ? Bien, il s'est intéressé au début des années 2000 à un secteur qui n'intéressait pas grand monde, qui était le secteur du câble. Petit à petit, il a racheté des activités à France Télécom, qui est devenu depuis Orange, à TDF, à Canal+. Et donc, il s'est constitué un groupe qu'il a nommé Numéricable, qu'il a ensuite fusionné avec un autre câbleau opérateur, Nous. Et de fil en aiguille, il est devenu un acteur incontournable du câble. L'une des spécificités de ce groupe, c'est qu'il s'est construit presque intégralement sur l'endettement. Comment fait-on pour emprunter autant aux banques ? Eh bien, en instaurant au début un système basé sur la confiance, c'est-à-dire que Patrick Drahi a racheté ses sociétés en s'endettant énormément, effectivement, mais avec la promesse qu'il rembourserait très vite en augmentant les bénéfices de ses sociétés. Et est-ce que ça a marché ? Est-ce que, effectivement, les bénéfices de ces sociétés ont été à hauteur de cet endettement qui aujourd'hui atteint un niveau colossal puisqu'il est supérieur à 50 milliards d'euros ? Dans un premier temps, avec des petites sociétés sur un secteur en croissance, ça a marché, puisque sa martingale, sa méthode pour faire cracher les bénéfices à ces sociétés, c'était de couper énormément dans les coûts, à la fois vis-à-vis des fournisseurs. Vous savez, Patrick Drahi les classe en trois catégories. Il y a ceux qu'il faut payer, ceux qui seront réglés parce qu'ils insistent, en faisant à l'occasion intervenir des huissiers, et puis ceux qui ne verront jamais la couleur du règlement. Il a aussi énormément taillé dans les effectifs. Au siège de SFR à Saint-Denis, syndicats et direction ont passé une bonne partie de la journée à batailler sur le nombre des suppressions d'emplois. À la fin 2017, la direction veut ramener les effectifs de 14 500 à 9 000 salariés. Plus de 5 000 emplois supprimés en l'espace d'un an et demi. Donc voilà, c'est par un mécanisme de réduction des coûts qu'il augmentait énormément les bénéfices et qui parvenait à rembourser ses créanciers. Oui, alors ce qui est effectivement étonnant, parce que on s'en souvient en tout cas pour ceux qui étaient abonnés à Numéricable ou à Nous, quand vous dites qu'ils taillaient dans les effectifs, ça veut dire qu'ils taillaient aussi dans la qualité de ces câbles opérateurs. Et il y a pléthore de gens qui se sont retrouvés sans avoir de câble, par exemple. Effectivement, c'est le câble ou les télécoms, ce sont des métiers de service. Donc, même si dans un premier temps, on peut estimer qu'il y a des sureffectifs, qu'il y a un manque de productivité, il faut être tout de même extrêmement vigilant et ne pas tailler trop fortement, parce que au bout d'un moment, c'est le service qui trinque et donc les clients qui sont tentés de partir. Le câble opérateur Nous, dans la tourmente, l'entreprise qui est censée fournir à la fois la télévision, le câble et un autre genre. Le câble opérateur est une grosse dirigeants. Bug sur la France. 26 000 demandes de résiliation non traitées. Plus de 20 000 réclamations en attente. Des pannes techniques un peu partout sur le territoire. Mais alors, pourquoi, par exemple, l'autre modèle qui est celui qu'a suivi Xavier Niel pour développer Free, pourquoi ce modèle, qui est aussi un modèle low cost, ne souffre-t-il pas aujourd'hui de critiques sur la qualité de service ? Parce que lui, il part d'une situation où il a un modèle économique qui est basé sur des coûts extrêmement faibles dès le départ. C'est-à-dire que lui, il ne taille pas dans les coûts. Il se débrouille pour mettre en place un business qui est extrêmement peu gourmand en capital. Alors que Patrick Drahi, lui, rachète des sociétés et ensuite, il essaye de les ramener à des coûts supportables et en tout cas des coûts qui sont susceptibles de pouvoir rembourser la dette. Donc c'est le mécanisme exactement inverse. Le gros morceau, donc, ça a été le rachat par Patrick Drahi de SFR, la constitution d'Altis. Et là, on continue à avoir un système pyramidal, Stéphane Loher ? Pyramidal dans le sens où ce qui apparaît clair aujourd'hui, il faut situer le contexte au moment du rachat de SFR. Il y a une très vive compétition qui s'installe avec Bouygues Télécom qui veut aussi racheter SFR et donc il y a une espèce de course à l'échalote, d'enchères, les prix s'envolent et Patrick Drahi finit par emporter SFR pour 17 milliards. Mmh. Il faut bien voir que ça a été à l'époque certainement surpayé par rapport aux actifs, au potentiel, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que autant le secteur des câbles opérateurs au début des années 2000 était un secteur assez peu concurrentiel, le jour où Patrick Drahi rentre dans les télécoms avec SFR, là on se situe dans un domaine extrêmement concurrentiel avec quatre opérateurs qui se tirent la bourre, qui tirent les prix vers le bas. Donc le potentiel est extrêmement limité et c'est peut-être ça qui a coincé entre le fait de racheter SFR à un prix relativement élevé dans un secteur où le potentiel de croissance avait été peut-être là aussi surévalué. Et là aussi, inutile de le préciser, mais on va quand même le préciser, ces 19 milliards, il va les payer avec d'autant plus de facilité Patrick Drahi qu'il ne les a pas du tout. Oui, tout à fait. Donc il va employer les mêmes méthodes qu'il avait fait pour les petits câbles opérateurs qu'il avait rachetés avant, c'est-à-dire que il va se tourner vers les banques. Et comme dans le domaine des câbles opérateurs, ça avait marché, il va continuer à susciter la confiance des banques qui vont lui prêter énormément d'argent, puisque aujourd'hui on en est à 51 milliards de dettes. Mais alors, dites-moi Stéphane Loher, parce que c'est bien beau la confiance, mais il y a aussi quand même un peu d'arithmétique auprès des banques. Normalement, on prête en fonction, par exemple, de ce qu'une société fait comme bénéfice, de la manière dont elle est valorisée. Aujourd'hui, si on prend ces différents ratios, est-ce que la société Altis vaut ses 51 milliards de dettes ? Le problème, c'est effectivement, et ça a été l'étincelle de la dégringolade d'Altis en bourse ces dernières semaines, c'est que quand Patrick Drahi a présenté les résultats du troisième trimestre de SFR, le marché, les investisseurs ont pris conscience que les objectifs financiers, les objectifs de rentabilité, et donc les objectifs de retour sur investissement, ne seraient pas au rendez-vous, en tout cas que le calendrier n'allait pas être tenu. Et donc à partir de là, il y a eu une espèce de panique en disant finalement, il nous a peut-être survendu les objectifs qu'il n'atteindra jamais. Et donc à partir de là, la confiance, c'est quelque chose qui marche très bien à un moment, mais dès que cette confiance est ébranlée, on rentre dans un cercle vicieux qui peut mener très loin. Faut que je vous parle dans la cuisine. Bon, les enfants, tous les films là, le sport, les séries, on n'a pas ça normalement, ils ont dû se tromper. Mais papa, c'est normal. On bouge pas, on dit rien, on reste discret, ok ? Chérie ? Tu m'ouvres, s'il te plaît, je peux pas rentrer ? Non, tu vois, ils viennent déjà nous le reprendre. Il y a quelqu'un ? Ça arrive même à imiter la voix de votre mère. Mais si vous êtes là, je vous entends. SFR change. Maintenant, pour nos clients, nous ajoutons SFR Play, sport, presse ou news à nos offres. Mais pourtant, SFR propose toute une série de services. Lorsque vous êtes abonné à SFR, vous avez des journaux gratuits, par exemple. Alors, effectivement, c'était le calcul de Patrick Drahi en disant « je vais pouvoir augmenter le prix de mes abonnements et donc la rentabilité par abonné va augmenter en offrant quantité de services. Alors effectivement, ça passe par le kiosque numérique, c'est-à-dire proposer des journaux gratuits à ses abonnés. Et puis surtout, il a énormément misé sur les contenus, notamment avec les droits sportifs. Il vient de racheter les droits de la Champions League de football pour 350 millions d'euros. En tout, il a dépensé 1 milliard d'euros pour les contenus, tout ça pour doper le revenu par abonné. Le problème, c'est que d'une part, ça prend du temps. La Champions League, ça ne va commencer que l'année prochaine, à l'été 2018, donc on va pas voir les résultats tout de suite. Et par ailleurs, ça ne peut fonctionner que si le service proposé par SFR est irréprochable. Or, quand vous allez sur les forums consommateurs, sur les associations de consommateurs, partout sur Internet, vous voyez une grogne assez spectaculaire des abonnés qui se plaignent à la fois du service, le fait qu'on ne les rappelle jamais, qu'on augmente de façon inconsidérée les abonnements. Enfin bref, on sent que le consommateur n'en a pas pour son argent. Et à partir de là, même si on lui propose des contenus à forte valeur ajoutée comme le football, ça ne suffit pas parce que finalement, un abonné, qu'est-ce qu'il réclame ? Il réclame que son abonnement mobile et Internet, il fonctionne de façon à peu près correcte. Et les contenus, que ça soit le football ou la presse gratuite, c'est un plus, mais ça n'est pas le service fondamental que demande le consommateur. Et donc, à partir de là, ça coince. Et les abonnés partent de SFR. Il faut voir qu'en l'espace de 2 ans, SFR a perdu près de 3 millions d'abonnés. On me dit qu'on va me rappeler, on ne me rappelle pas chez SFR. Donc là, ça fait 48 heures. J'ai eu une jeune fille là qui m'est tombée dessus ce matin, qui est encore plus désagréable que la précédente. Donc voilà, j'ai dit maintenant j'en ai marre, je viens voir le concurrent parce que je ne peux pas continuer avec des méthodes pareilles, c'est pas possible. SFR, en chemin vers le meilleur. Altice. Un client insatisfait, pour moi, c'est un client qui me quitte. Un client qui me quitte, ben, ça me fait mal au cœur. Et en plus qu'au cœur, au portefeuille. Mais d'abord au cœur, parce que c'est une question d'amour propre. Aujourd'hui, donc, on a une action qui dévisse. Elle a perdu plus de la moitié de sa valeur. Est-ce qu'elle est encore, aujourd'hui, selon vous, surévaluée, cette action ? C'est difficile de répondre à cette question. Ce qui est clair, c'est que par rapport aux actifs qu'il y a en face et par rapport à la dette, il y a eu une remise à niveau assez importante. Donc on peut estimer que le marché a pris en compte un certain nombre de risques de non-remboursement de la dette et qu'aujourd'hui c'est dans les cours. Mais le problème, et on le voit ces derniers jours, Patrick Drahi est monté plusieurs fois au créneau pour essayer de rassurer en disant « je vais faire des efforts pour à nouveau satisfaire mes abonnés, je vais arrêter les acquisitions, etc. » Il a envoyé plusieurs messages au marché. Et on voit bien que c'est insuffisant parce que l'action continue à dégringoler. Donc on n'a peut-être pas atteint le fond. Est-ce que la survie de l'entreprise est menacée, Stéphane Loher ? La survie de l'entreprise en elle-même, je ne pense pas, parce que de toute façon, même si ça se passe très mal, SFR sera racheté par un concurrent. Je sais que Bouygues peut être intéressé, puisque à l'époque, c'était le concurrent direct de Patrick Drahi pour racheter SFR. Donc on peut assister à une consolidation du marché des opérateurs de télécom en France, de passer de 4 à 3. Donc, si vous voulez, à terme, les actifs de SFR pourront être repris. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est pour les salariés de SFR. Et de toute façon, Patrick Drahi, toujours dans son objectif de réduire drastiquement les coûts, il faut savoir, sur 15 000 salariés, il va supprimer 5 000 emplois. Donc dans ce contexte, on ne voit pas très bien comment améliorer considérablement le service aux abonnés quand on se sépare d'un tiers de ses effectifs. Merci beaucoup Stéphane Loher, on vous retrouve dans les colonnes du Monde. Superfell a été piétiné par Anaïs Isabert, foiré par Élise Leu et massacré par Jean-Christophe Francis à la réalisation. Superfell.